Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme tous les mardis à 8h et 13h30 dans Minute Bonheur. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous emmener pour un voyage de sensation, direction l'automassage. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous pratiquez l'automassage au quotidien. Par exemple, lorsque vous avez mal à la tête et que vous vous massez les tempes ou le crâne, quand vous appuyez sur le coin interne de vos yeux juste après le réveil ou avant de vous mettre au travail, lorsque vous vous frottez les mains pour stimuler votre énergie. Ces gestes permettent d'obtenir un soulagement rapide et de stimuler toutes les grandes fonctions de l'organisme. La digitoponcture, aussi appelée acupression ou acupressure, est une technique d'automassage intégrée dans la médecine traditionnelle orientale. Elle est basée sur la stimulation manuelle des points d'acupuncture, aussi appelés points d'énergie. Elle a pour but d'assurer le bon fonctionnement du métabolisme général du corps en agissant en prévention et en traitement. Plus qu'une simple technique, elle se définit également comme un art de vivre au quotidien dans la médecine traditionnelle chinoise. L'automassage, et plus précisément le Do-in, est une technique de massage qui joue sur les énergies du corps, instar du shiatsu. Un quart d'heure peut suffire à revitaliser votre corps. Plutôt chouette, non? Le principe est simple, à stimuler les 12 méridiens qui traversent notre corps en appuyant sur les points de pression à l'aide du pouce, de l'index ou du majeur. Il est important de commencer par le haut du corps et de bien insister sur les mains et les pieds. Chaque endroit doit être massé à 3 reprises. En Chine, la pratique de l'acupressure se fait généralement le matin, mais elle peut également avoir lieu à n'importe quel moment de la journée. Avant de se lever le matin, avant de se tonifier, en arrivant au travail pour stimuler sa concentration, ou assis dans les transports en commun pour entretenir sa forme et son bien-être. Et bien entendu, avant de se coucher pour une nuit reposante. Vous trouverez rapidement les zones qui ont besoin d'être massées, mais si vous en avez besoin, il existe de nombreuses vidéos pouvant vous guider. Soyez à l'écoute de votre corps. Des pressions circulaires doivent être effectuées suffisamment fortes et dynamiques pour relâcher les tensions. Attention toutefois, il est important que cela ne devienne pas douloureux. Selon vos douleurs, n'hésitez pas à privilégier une zone si vous manquez de temps pour faire tout le corps. 5 minutes peuvent être déjà bénéfiques. Les bienfaits de cette méthode sont très nombreux. Elle permet notamment d'éliminer les blocages physiques et émotionnels à l'origine de douleurs ou de maladies, de renforcer sa santé en stimulant ses défenses immunitaires et en combattant les infections. Elle favorise l'élimination des toxines de l'organisme en améliorant la circulation lymphatique. L'automassage exerce une action drainante et permet d'éliminer les déchets accumulés dans les muscles, comme l'acide lactique et autres toxines. En prime, il est efficace contre les jambes lourdes, il aiderait même à atténuer la peau d'orange et la cellulite. Très utile également pour supprimer les tensions et pour augmenter la longévité. Il booste la récupération en augmentant le flux sanguin. L'automassage réoxygène les tissus. Résultat, une meilleure récupération après l'effort et une réduction significative des courbatures après une intense séance d'activité physique. Très utile également pour retrouver la paix et la sérénité. Et pour améliorer le sommeil, une étude a montré que la stimulation de points d'acupuncture grâce à l'automassage avait permis de diminuer l'éveil et d'augmenter le temps de sommeil des participants testés. Les automassages sont dynamiques et visent non seulement à l'harmonie du corps et de l'esprit, mais aussi à un état général de bien-être et de relaxation. Il peut être accompagné de méditation, de visualisation et booste la créativité. L'automassage peut être pratiqué à l'aide du bout des doigts ou de la paume des mains, de cristaux de massage, de ventouses ou encore de bâtons d'armoise avec lequel on chauffe les points et ou les zones à stimuler. On peut pratiquer les automassages debout, assis, en mouvement ou statique et pratiquement n'importe où. il est recommandé d'être dans un endroit calme et de déconnecter son mobile pour se consacrer un moment avec soi-même de l'ordre du sacré et également de porter des habits amples qui vous permettront d'être à l'aise afin d'accompagner la circulation du ki et du sang grâce à l'automassage. Vous pouvez mettre des huiles essentielles dans un diffuseur ou un bâton dansant avec une musique de votre choix afin de créer une atmosphère relaxante et propice à la pratique et d'en tirer les meilleurs bienfaits. Préparation ? Il faut s'échauffer les mains en les frottant l'une contre l'autre, s'étirer les phalanges, presser et lisser chacune d'entre elles. Il faut également presser et frotter le creux de chaque paume des mains. La préparation des mains va vous aider à créer de la chaleur, propice à la stimulation du corps. Voici quelques automassages que vous pouvez pratiquer, par exemple celui du visage qui reflète notre équilibre interne. La fraîcheur du teint, l'abondance des cheveux ou les rides sont autant d'indices de l'état de notre corps que nous pouvons améliorer ou maintenir par un automassage quotidien. Au lever, stimulez le coin interne de l'œil. Ce point d'acupuncture influence l'état de réveil et de tonicité du corps. Stimuler ce point active le mouvement, ainsi que la clarté des yeux et du regard. Faites d'abord des pressions sur le sommet du crâne, puis tapotez-le avec la pulpe des doigts. Lissez ensuite votre peau du front de l'intérieur vers l'extérieur, 3 fois de suite. Bienvenue vers l'automassage des bras et des mains. Tapotez depuis le haut de l'épaule l'extérieur de vos bras, 3 fois à droite, 3 fois à gauche, et ensuite depuis l'extérieur du haut des bras dans le même procédé. Pressez le creux au pli du coude externe afin de stimuler le point du gros intestin qui harmonise la circulation des bras. Massez vos mains comme si vous pétrissiez une pâte à modeler en insistant sur les parties sensibles, signe qu'il y a des stagnations qu'il est bon de faire circuler. Étirez les phalanges les unes après les autres et finissez par vous frotter les mains afin de dynamiser l'énergie active. Quelques conseils pour bien vous masser. L'automassage peut vous apporter beaucoup de bienfaits, mais il convient de le faire correctement. Évitez les zones de votre corps qui peuvent avoir des œdèmes ou des plaies. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles pour vous détendre ou vous tonifier. Quelques gouttes de lavande, par exemple, seront parfaites pour vous relaxer après une bonne journée, tandis que le citron vous apportera une bouffée de fraîcheur et d'énergie. Soyez à l'écoute de votre corps et surtout, ne forcez pas. Mieux vaut y aller progressivement. Voilà pour cette minute bonheur consacrée à l'automassage. Je vous encourage vivement à le pratiquer pour une découverte de sensations et de soi-même. Je vous embrasse tous bien fort et vous dis à mardi prochain.